je proposerai une biographie de l'auteur qui en grande partie est tirée de son autobiographie présente dans le livre Al-Badr al-Tali'a, un livre de l'imam Shawkani où il rapporte maintes biographies de savants. Et parmi ces biographies, nous trouvons son autobiographie. Donc la biographie que je propose ici est en grande partie tirée de ce livre. Premièrement, son nom. Il s'appelle Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Abdullah al-Shawkani al-San'ani. Et le nom al-Shawkani marque l'affiliation à un petit village nommé Hijra Shawkan et situé au sud de San'a, qui est la capitale actuelle du Yémen. Et le nom al-San'ani marque l'affiliation à la ville de San'a, précédemment citée. Sa naissance, son enfance et ses études. Al-Shawkani, rahimahullah, naquit dans le village de Hijra Shawkan, le lundi 28 du mois lunaire de Dhul-Qa'da, en l'an 1173 égirienne, donc en l'an 1760 grégorienne. Il grandit à San'a, dans une famille religieuse et instruite. Son père était un savant et occupait la fonction de juge. Lui et son épouse encouragèrent leur fils vers les sciences religieuses. Et al-Shawkani grandit donc dans l'étude de la science, n'ayant à se soucier de travailler. Il débuta par la mémorisation du noble Coran, qu'il apprit avec ses règles de récitation, auprès de plusieurs spécialistes de Sana'a. Puis, il se tourna vers la mémorisation des épîtres religieuses dans diverses matières. Il en apprit un grand nombre, et ce, avant même de commencer l'étude de la science auprès d'enseignants. Il lut aussi, seul, de nombreux ouvrages traitant de l'histoire et de la littérature. Ensuite, il se mit à lire avec son père, puis prit contact avec les savants de Sana'a. Il étudia avec eux de nombreux ouvrages traitant des sciences diverses enseignées à cette époque. Les sciences du hadith, l'exégèse, la littérature, la jurisprudence, ainsi que ses fondements, et bien d'autres sciences encore. Durant cette période, Shawkani commença même à enseigner alors qu'il étudiait encore et suivait parfois 13 cours par jour. Il ne voyagea pas pour rechercher la science en dehors de la ville de Sana'a, en raison notamment du refus de ses parents. Il continua alors sur cette voie jusqu'à prendre tout ce que ses enseignants avaient à lui donner pour enfin se consacrer entièrement à l'enseignement et l'éducation de ses élèves. Toutes ces causes, après le succès d'Allah tabaraka wa ta'ala, lui ont permis d'acquérir des aptitudes et des compétences l'amenant à se démarquer. Ainsi, alors qu'il n'était âgé que d'une vingtaine d'années, al-Shawkani se consacra uniquement à l'enseignement et la délivrance de fatwa. Ses enseignants. Al-Shawkani apprit auprès de nombreux enseignants, parmi les plus illustres, on trouve son père, qui décéda en 1211 égirienne, Ahmed ibn Muhammad al-Harrazi, qui l'accompagna pendant 13 ans, Abdurrahman ibn Qasim al-Mada'ini, qui mourut en 1211 égirienne, Ahmed ibn Amir al-Hada'i, qui mourut en 1197 égirienne, le savantissime Ismail ibn al-Hassan ibn Ahmed, qui mourut en 1206 égirienne, le savantissime al-Qasim ibn Yahya al-Khawlani, qui mourut en 1209 égirienne, le savantissime Abdullah ibn Ismail ibn al-Hassan al-Nahmi, qui mourut en 1228 égirienne, le juge Abdurrahman ibn al-Hassan al-Akwa', qui mourut en 1206. Ainsi que d'autres. Ses élèves. Al-Shawkani eut un grand nombre d'élèves durant ces longues années où il se consacra à l'enseignement. Les plus illustres sont Muhammad ibn Zubaydah al-Hassani, qui décéda en 1281 égirienne. Muhammad ibn Ahmed al-Soudi, qui décéda en 1226 égirienne. Muhammad ibn Ahmed Masham ibn Jalillah, qui décéda en 1223 égirienne. Abdurrahman ibn Ahmed al-Bahkali, qui décéda en 1227 égirienne. Ahmed ibn Abdillah al-Damadi, qui décéda en 1222 égirienne. Son fils, le juge Ahmed ibn Muhammad al-Shawkani, et bien d'autres encore. Ses écrits sont nombreux. Il en énuméra lui-même 89 dans son autobiographie, que j'ai évoqué précédemment, puis souligna que la liste n'était pas exhaustive et que d'autres étaient encore en préparation. Parmi ces ouvrages, nous trouvons aussi bien le format concis que le format encyclopédique, et ce, dans l'ensemble des sciences de la religion. Nous citerons ici, premièrement, Irshad al-Thiqat, concernant la croyance, de même que Ad-Durr al-Nadid, concernant la sincérité dans la parole d'une cité et dans la croyance. Nous citerons aussi l'ouverture des poitrines concernant l'interdiction de l'élévation des tombes, de même que le chef-d'œuvre dans le credo des pieux prédécesseurs, de même que le guide de l'idiot vers la croyance des gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahlul Bayt, concernant ses compagnons, radiyallahu anhum, qui est une réfutation aux chiites, aux shi'a. De plus, nous citerons les intérêts réunis à propos des hadiths inventés, concernant les hadiths faux et inventés. Aussi, Fath al-Qadir, l'exégèse du Coran. Aussi, Nail al-Awtar, l'explication de hadiths liés à la jurisprudence. De même que Irshad al-Fuhul, concernant les fondements de la jurisprudence. De même que As-Sayl al-Jarrar, concernant la jurisprudence. Aussi, Ad-Durar al-Bahiyya, et son explication Ad-Darari al-Mudiyya, dont nous avons tiré le chapitre du jeûne. Et pour finir, je citerai ici les éloges des gens de science à son sujet. Nous trouvons un grand nombre d'éloges de gens de science au sujet de l'imam Shawkani. D'ailleurs, ses livres ne cessent d'être étudiés, enseignés et édités par les savants et les étudiants en science. Une parenthèse, comme je l'ai dit, actuellement, Sheikh Sulayman al-Ruhayli l'enseigne, Havidahullahu ta'ala, enseigne le chapitre du jeûne de ce livre, Ad-Durar al-Bahiyya. Nous nous contenterons de citer la parole du savantissime Siddiq Hassan Khan, rahimahullah, comme je l'ai évoqué dans le cours précédent, qui a lui-même fait l'explication de ce livre Ad-Durar al-Bahiyya, dans son livre Ar-Rawda al-Nadiyya, l'allama Siddiq Hassan Khan, al-Qinnaudi, rahimahullah, qui dit de lui dans le sens de ses paroles. Il parle de l'imam Shawkani en disant: le savantissime éducateur, le savant du Yémen, ayant atteint le degré de l'effort d'interprétation, Mujtahid, le revivificateur du XIIIe siècle de l'Égypte. Il dit cela dans son livre At-Taj al-Mukallal, dans la page numéro 9. De même que je citerai la parole du savantissime Muhammad Nasiruddin al-Albani, rahimahullahu ta'ala, qui dit, dans le sens de ses paroles, l'imam Shawkani fait partie des grands imams de la Sunna. Il était à l'origine un Zaydi, c'est-à-dire membre des Zaydiyya, qui est une branche du chiisme. Puis fut guidé vers la Sunna. Et il dit cette parole dans une série de cassettes dispersées, la cassette numéro 290. Son décès. L'imam Shawkani, rahimahullah, décéda le 26 du mois de Jumad al-Akhira de l'année 1250 de l'Hégire, peu de temps après la mort de l'un de ses fils, Ali, qui n'avait alors que la vingtaine. Il fut enterré à Sana'a. Voici ce que nous pouvons dire à propos de cet imam, l'imam Shawkani, rahimahullahu ta'ala.